Alors vous êtes toujours à l'écoute de CKRL au 89.1 et pour ce dernier segment de Futur Simple, nous allons rester dans le Grand Nord. Valentine a mentionné qu'elle avait hiverné à bord du voilier polaire Le Vagabond. Ce voilier, en fait, est la propriété de Éric Brossier et France Pinson-Ducel, comme elle nous disait, et qui séjournent eux aussi dans l'Arctique et qui ont réalisé des expérimentations avec des chercheurs, notamment de Takuvik. Et Takuvik, c'est une unité de recherche de l'Université Laval. Alors, par exemple, ils prennent des mesures sur l'état physique de la glace, de l'eau, la présence d'activités biologiques. Et ces mesures sont ensuite analysées par des chercheurs de Takuvik. Alors, José Lagunas Morales est assistant de recherche à Takuvik et il va nous expliquer en quoi consiste son travail, lui, dans le cadre de Takuvik et comment il est allé à bord du voilier Le Vagabond. Bonjour, monsieur Lagunas Morales. Bonjour, bonjour aux personnes qui écoutent l'émission. Mais j'aimerais bien commencer d'abord pour dire quelques mots à propos des objectifs de Takuvik. Oui, comme absolument, laboratoire. Oui, c'est ça. Oui. L'emphase de Takuvik est mise sur les études des communautés biologiques et des processus à la base de la chaîne alimentaire qui sont primordiaux pour les organismes supérieurs tels que les poissons, les phoques, les baleines, les morses et les sources polaires, jusqu'à nous, en fait. L'Arctique est la sentinelle du changement climatique. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Puis nos activités visent à mieux comprendre l'impact des perturbations environnementales actuelles d'origine climatique et anthropique sur les écosystèmes et les géosystèmes arctiques, marins et terrestres. Donc, dans ces cadres-là, on utilise beaucoup d'instruments technologiques in situ ou bien par le moyen de la télédétection, qui est étudier la dynamique des océans en utilisant des satellites. Et un des instruments qui est utilisé par la communauté océanographique, c'est les robots sous-marins Argo. Ouais. Argo, c'est un réseau des flotteurs qu'on appelle profileurs, robot qui en fait prend des mesures de salinité, température, profondeur et plusieurs capteurs biogéochimiques qui sont placés. C'est un réseau de robots qui circulent dans les océans. Ils dérivent librement dans les océans. Ils sont emportés par les courants. Ils plongent à 1000 mètres de profondeur tous les 10 jours, puis ils redescendent à 2000 avant de remonter lentement à la surface en faisant ces mesures le long de la colonne d'eau. Donc, une fois en surface, il reste une dizaine d'heures, il transmet ses mesures via satellite et replonge pour les cycles suivants. Ouais. Donc, les problèmes en Arctique, c'est la glace. Bon, c'est pas un problème, mais c'est un problème technologique. Donc, avant que le flotteur Argo surmonte, il doit s'assurer qu'il n'y ait pas de glace. Parce que sinon, ça va l'endommager. Ça va endommager l'antenne de transmission ou bien ça pourrait tout simplement couler, puis on ne la retrouvera plus. Ouais. Donc, pour cette problématique, Takuvik et son directeur Marcel Baumann s'y intéressent à proposer une solution. Donc, on s'est mis à la tâche de fabriquer un capteur optique pour détecter justement la glace. Ok. Et qui sera placé sur ces robots-là. D'accord. Et donc, si le capteur optique détecte la présence de glace, le robot va prendre la décision de ne pas remonter. Exactement. Ouais? Donc, il va décaler, en fait. Il va trouver un endroit où il n'y a pas de glace. Non, tout simplement, il ne va pas surmonter, il va attendre. Okay. Probablement, il va refaire son cycle de mesure. Ouais. Et puis, tout simplement, quand il prendra la décision de télécharger ses données, il va encore faire la mesure. Puis, s'il n'y a pas de glace, il va transmettre, sinon il va redescendre. Ouais. Parce qu'il ne peut pas faire grand-chose avec la glace, en fait. Donc là, vous, votre travail, c'était de mettre au point ce détecteur optique pour détecter la présence de glace. Justement. C'est ça, d'accord. Donc, c'est ça que, en fait, je fais moi à Takuvik et que je suis allé tester au Grand Nord en fait à Kikitarjuak à bord de voilier Vagabond comme Valérie racontait puis c'était une expédition de pendant deux semaines ma coéquipière était Claudie Marek, océanographe, ingénieur océanographe du CNRS. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais TACUVIC, c'est une unité mixte de recherche entre l'Université Laval et le CNRS en France. Justement, c'est oui. Merci bien de, de faire le point là-dessus. C'est ça. Donc, Claudie Marek, elle est experte en ce qui concerne la scénographie expérimentale. Donc, tout ce qui est le déploiement de ce type d'instrument, elle est la personne à avoir à côté. Moi, j'ai fait la fabrication, la technologie, le développement. Donc, on était les testés. Puis, Eric Brossier nous a beaucoup aidé. En fait, à chaque fois qu'on testait, il plongeait. En profondeur, oui. Il allait sous la glace. La glace parce qu'en fait, il fallait pointer les détecteurs vers la glace. Et justement, pour prendre mes mesures, voir comment il s'est comporté. Et, bref, les caractériser. Donc, c'est ça. On a dû faire des trous dans la glace. Et que c'est très physique aussi. C'est pas mal comme travail, en fait, des grosses journées de travail. Mais moi, c'était ma première fois en Arctique, comme expédition scientifique, mais j'ai eu la chance vraiment d'être à côté de Claudie Marek, puis d'Eric Brossier aussi, de France. Donc là, ce détecteur, il détecte la glace comment, finalement? C'est juste un œil? C'est quoi? C'est quoi le principe? Oui, les principes... Une caméra, c'est... c'est... on pourrait dire que c'est une caméra à un pixel. Donc, c'est un capteur optique, c'est un système laser. Il y a une source qui émet un faisceau laser de courte durée d'une longueur d'onde de 532 nanomètres. Puis, il y a une autre partie qui c'est les détecteurs. Et bien, ce détecteur est composé d'une lentille qui focalise la lumière qui rentre, d'un prisme qui divise ensuite la lumière en polarisation verticale et en polarisation horizontale. Et, bon, une partie électronique qui fait en fait ensuite la communication. Donc, ce qui se passe, c'est que la source envoie un faisceau de lumière avec une polarisation verticale et le détecteur va en fait saura grâce à l'optique si la glace a dépolarisé la lumière, puisqu'on se base sur le fait que la glace est une forte une matière qui dépolarise la lumière en fait. Donc c'est ces points là où on s'appuie pour comme principe de détection. Est-ce qu'il y a aussi des, je sais pas, j'imagine ce robot puis ce détecteur qui sont sous l'eau, dans le froid, un milieu bon, peut-être il y a peut-être des contraintes. Est-ce qu'il y avait des contraintes aussi physiques pour développer cet instrument-là? Toutes sortes de contraintes. Juste pour commencer, oui, l'électronique déjà c'est pas facile à mettre en place puisque il y a la température. C'est ça. Et des fois les batteries marchent pas quand il fait froid. Donc là est-ce qu'il y a ce problème-là par exemple? Mettons que l'énergie est fournie par les robots, c'est sûr, puisque les capteurs c'est quand même un système à part. Un sous-système, mais sinon il y a les points parce que le capteur peut pas peser beaucoup parce qu'il y a déjà une certaine flottabilité du robot qui peut pas être changé. C'est gros comment ça, ce robot? C'est une hauteur de presque de 2 mètres avec l'antenne, puis un diamètre, mettons, de 25 cm. Il est lourd, mais bon, sous l'eau ça pèse moins. C'est l'étanchéité aussi, il faut prévoir un caisson. Dimensions en fait assez petites parce que bon, il y a tout un système derrière ça en fait. Nous, ce que nous proposons, c'est un système simple, petit, qui s'adapte bien au plus grand système. Donc là maintenant, ce détecteur, il fonctionne, Oui, il fonctionne. C'est justement les résultats qu'on a eu pendant l'expédition. Donc là, c'est la prochaine étape. Je suis en train de tout miniaturiser pour faire le déploiement dans les prochaines missions, notamment dans la mission Green Edge qui débutera en 2015. En fait, cette mission-là, c'est important pour nous parce qu'il a comme objectif l'étude de la floraison du phytoplancton le long de la marge des glaces. Donc, on doit en fait répliquer ce système 20 fois. 20 fois, pourquoi ? Parce qu'il y aura, 20 flotteurs. 20 flotteurs, oui. D'accord, donc ça veut dire 20 robots ? 20 robots. Sous-marins. Ouais. Et qui vont se promener essentiellement en Arctique ? En Arctique, oui. Oui, d'accord. Et dans la mer de Beaufort. Ouais. Et là, est-ce qu'ils vont travailler de façon complètement autonome ou est-ce que... Oui. Oui, ils sont complètement autonomes. En fait, ça c'est l'idée. Ouais. Qu'ils dérivent et puis qu'ils surmontent, qu'ils nous transmettent leurs données, ouais, leurs positions, justement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les données sont ensuite disponibles pour tout le monde. Hein. Ah, c'est oui. pas restreint, donc... C'est ce qui est bien de ces réseaux-là, que c'est ouvert pour que les données soient effectivement utilisées. Et le fait de regarder, donc là on veut voir la floraison du phytoplancton au bord de la glace, là, ça va nous renseigner éventuellement sur l'évolution du climat. Oui. Oui, ça on s'appuie là-dessus en fait, parce que comme je vous disais au début, hein, c'est le phytoplancton est à la base de du réseau trophique ou bien la chaîne alimentaire. Donc c'est un point essentiel à étudier, et surtout en Arctique, parce que avec la fonte de la glace, c'est là qu'on trouve la plus grande quantité de phytoplancton. C'est probablement des éléments qui vont être à suivre, peut-être des informations, peut-être quelqu'un de TACUVIT pourra venir nous en parler quand on aura plus de résultats. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Ça nous fera plaisir. Oui. Alors, merci beaucoup, Monsieur Lagunas Morales, pour être venu nous présenter ce travail effectué donc à bord du Vagabond et au sein de l'équipe TACUVIC. Donc, je rappelle que José Lagunas Morales est assistant de recherche à TACUVIC à l'Université Laval. Merci beaucoup. Merci bien.